Ta tristesse tatouée sur tes cernes. Et ton petit cœur est déjà vieux, déjà prêt à quitter la scène. Tes larmes étaient pas là, une partie de toi s'est évaporée quand tu l'as dû perdre. Et quand la nuit tombe, ton regard se fiche, mais ton sourire a perdu de sa superbe. T'as le silence pour seule arme, à deux vous partagez une arme. Et tes yeux se ferment et ton esprit ne part pas. Hémorragie interne malgré ton parfum. Et t'es dans le gouffre, et dans tes larmes salées y'a comme un goût de soufre. Ton palpitant se déchire à chaque fois que tes yeux s'ouvrent. Et nique les couleurs, toi, toi t'es belle en noir. Et vu que ta moitié te manque, au point de t'en bloquer la vue, t'as déjà songé à quitter ce monde, le Seigneur t'enlever la vie. Comme étouffé par le bonheur des gens. Ta vie un champ de wind, ton regard un champ de rose rouge que le destin brûle. N'écoutez pas la compassion des gens. T'as pas besoin de leur sourire, t'as besoin des personnes que la vie a tué. Et t'es dans le gouffre, et dans tes larmes salées y'a comme un goût de soufre. Ton palpitant se déchire à chaque fois que tes yeux s'ouvrent. Et nique les couleurs, toi, toi t'es belle en noir. Sois plein de couleurs, plein de couleurs, mais toi t'es belle en noir. Sois plein de couleurs, plein de couleurs, mais toi t'es belle en noir. Sois